Holiday Mix. Holiday Mix. Bienvenue dans Holiday Mix. Chaque semaine, retrouvez la sélection de Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Holiday Mix, le meilleur du clubbing. Les meilleures nouveautés dance floor. House. Electro. Tech House. Soulful. Nouvelles tendances. Les meilleurs mashups. Accroche-toi. C'est parti. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonjour à tous, bienvenue dans Holiday Mix. Cette semaine, je vous ai déniché une pléiade de nouveautés house, parmi lesquelles vous entendrez les voix de Octa Erire, Rita Campbell ou encore Andrea Love. Des productions également signées par DJ Kous, David Penn ou encore Chocolate Puma, à découvrir donc pendant l'heure qui vient. Holiday Mix, on démarre sans plus attendre avec la dernière prod de Monsieur Odednir. Le titre s'appelle Into Your Heart. Le remix est signé Richard Earnshaw. C'est funky et soulful à souhait. C'est le warm-up, vous êtes sur Holiday Mix. You're listening to Monsieur Cortez Soulful House Session. Holiday Mix. Holiday Mix. Something to it, I already know. Hey, to let love in and let the best go. Sometimes I feel like I got no air, and that's something that you and I share. Sometimes I feel I miss my home. Cause home is where my heart is. That's the place I love it. Okay. meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. dance floor. Le meilleur du dance floor. Rainbow love, listening to Monsieur Cortez's Soulful House Sessions. Holiday Mix. Now you can see, I haven't tried it all, now I can tell ya. My love for you was strong, so please tell me. While your pictures hit my heart, don't abuse me. Go far away, stay gone. Bad love, sad love, bad love, sad love. Yeah. Please stay gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. different. What it is you do, I can't explain. But your love, it does something to me. Ever since we met, I haven't been the same. See your face, see that smile. I've been missing you and wanting you all the while. I can't wait to see you again. And I don't want this love we share to end. Dancefloor 100% clubbing avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. I'm moving on. Waiting by the phone. And now there's nothing left to say. This love is over, let's face facts. I'm moving on, ain't looking back. This love is over, let's face facts. I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on. Un minimum de blabla aujourd'hui, Holiday Mix, Soulful Session, un warm-up qui devait s'écouter sans parole. C'est évident, j'ai préféré laisser les vocalistes faire leur boulot. D'ailleurs, elles ont du talent. Vous aurez sans doute reconnu les voix de Andrea Love qui chantait You Can Hide pour PerQX. Octa chantait Via The Way pour Lenny Fontana. Il y avait également le Pray For Love de Jason & Jazz, Stegon de Soul Phoenix. Et à l'instant, vous écoutiez Oscar G avec I'm Moving On. À venir dans Holiday Mix, Abel Ramos qui sera suivi de Rita Campbell, mais dans l'immédiat voici une production de Chocolate Puma. Chocolate Puma qui nous ont habitués à des sculptures sonores chaque fois très créatives et innovantes dans chacune de leurs productions remix. Cette fois ils ont mis l'accent sur une rythmique quelque peu bizarroïde sur ce remix de Ben West Beach. Voici Same Thing. strange things, wondering if they're wrong. Why then do the same things keep on going on? Don't just stand and watch them, no, you're right from wrong. Why then do the same things keep on going on? You can always change things, wondering if they're wrong. Why then do the same things keep on going on? Don't just stand and watch them, no, you're right from wrong. Why then do the same things keep on going on? Cortez in the mix. Floor. Le meilleur du dance floor. Écoute ça. Yeah.

Dance Floor. Le meilleur du Dance Floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Disco House à l'ancienne dans l'idée mix avec ce Let's Party de True Love. Juste avant, vous avez pu écouter le Raid de Raphaël Frost, une petite bombe très sympathique pour dynamiser votre dance floor. Et dans la catégorie On met le feu, on va se quitter avec Mark Knight, Emmanuel Delamar et leur Snapshot. Bye bye à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau l'idée mix.